Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Avec l'année universitaire 1957-1958, s'ouvrait à la Sorbonne le troisième des grands cours que Raymond Aron consacrait à l'analyse des sociétés industrielles. Après les avoir abordées sur leur versant économique, puis avoir étudié ce qu'étaient entre elles les relations de leur classe sociale, c'était de leurs aspects politiques que traitait en 19 leçons le cours du professeur Aron en une année 57-58 qui allait rendre en France la question du régime politique particulièrement sensible. 19 leçons organisées en trois parties. Les cinq premières où l'on déterminait les types fondamentaux de régime politique, les six suivantes où on s'intéressait au régime pluraliste constitutionnel, alors que les dernières leçons se concentraient sur les régimes de partis monopolistiques, les régimes totalitaires, plus particulièrement sur le régime soviétique. Dans la deuxième de ces 19 leçons, on était encore dans la définition des concepts et des variables et Raymond Aron proposait à ses élèves de répondre à la question suivante. En quoi consiste l'étude sociologique des régimes politiques distincte des études philosophiques ou juridiques? Une leçon qui, au bout d'une heure, s'achevait sur ces mots du professeur. Est-il possible de justifier simultanément l'obéissance et le refus de l'obéissance, l'autorité et les limites de l'autorité? Tel est le problème éternel de l'ordre politique dont tous les régimes, en fait, sont des solutions toujours imparfaites. Aspects politiques des sociétés modernes, deuxième des 19 leçons données à la Sorbonne par Raymond Aron lors de l'année universitaire 1957-1958. Un programme diffusé la première fois le 23 décembre 1957 sur Radio Sorbonne. Radiodiffusion Télévision Française. Longueur d'onde 312 mètres. Faculté des lettres de l'Université de Paris. Veuillez écouter le deuxième cours de Monsieur le professeur Aron, Théorie sociologique des démocraties, aspects politiques des sociétés modernes. En analysant les usages divers du mot politique, nous en étions arrivés à saisir certaines caractéristiques de toute politique. En effet, le mot politique s'applique simultanément au plan d'action d'individus ou de groupes et aux rivalités à l'intérieur de ces groupes entre des individus. Le fait que le même mot désigne le plan d'action d'une part et d'autre part la rivalité entre les individus et les groupes nous révèle une des caractéristiques de toute politique qui consiste toujours à accorder les rivalités entre individus et groupes de manière à arriver à une action collective. Il n'y a pas d'action collective qui n'ait fonction d'établir la coopération entre individus dont les intérêts ne sont pas toujours les mêmes, mais il n'y a pas non plus de rivalité possible à l'intérieur d'un groupe organisé si cette rivalité n'aboutit à une action collective. La lutte entre les individus est un des caractères spécifiques de toute politique, et on peut même aller plus loin. La lutte à l'intérieur des collectivités a tantôt pour objet le plan d'action à un moment donné de l'existence collective, tantôt le mode même d'organisation de la coopération et de la rivalité entre les individus et des groupes. Cette notion du régime politique étant approximativement éclaircie, nous en venons dans la leçon d'aujourd'hui à la question ultérieure qui est « En quoi consiste l'étude sociologique des régimes politiques distincte des études soit philosophiques, soit juridiques ?» À cette question, la réponse banale est à peu près la suivante. La philosophie étudie les différents régimes politiques avec l'intention d'évaluer les mérites propres de chacun d'eux. La philosophie tend à déterminer soit le régime le meilleur, soit le principe de légitimité de chaque régime ou de tous les régimes. De toute manière, la philosophie a une intention axiologique, elle a une volonté de déterminer des valeurs soit absolues soit relatives, cependant que la sociologie est essentiellement une étude de fait sans prétention au jugement de valeur. Deuxièmement, on répond que l'étude proprement juridique diffère de l'étude sociologique en ceci qu'elle concentre attention et intérêt sur la constitution elle-même. Par exemple, le juriste se demandera comment, en fonction de la constitution britannique, américaine ou française, sont choisis les gouvernants, comment les gouvernements se renouvellent, et les questions qu'elle pose sont essentiellement relatives à la conformité d'un événement donné avec les lois constitutionnelles. La loi des pleins pouvoirs de mars 1933 était-elle ou non conforme à la constitution de la République de Weimar ? Le vote du Parlement français en juin 1940, donnant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, était-il ou non conforme à la Constitution française? Voilà le genre de questions que pose l'étude juridique. Bien sûr, l'étude juridique ne se contente pas d'analyser dans l'abstrait une Constitution. L'étude juridique voit aussi comment les règles constitutionnelles sont ou ne sont pas appliquées à un moment donné dans un pays donné, mais essentiellement son intérêt porte sur les règles du jeu constitutionnel telles qu'elles sont fixées dans le texte de la Constitution. En revanche, l'étude juridique considère les règles du jeu constitutionnel comme un élément parmi d'autres à quoi elle s'intéresse. L'étude sociologique porte tout autant sur les partis ou les groupes d'intérêt, le recrutement des hommes politiques, le fonctionnement du Parlement, que sur les règles constitutionnelles elles-mêmes. On pourrait dire, en généralisant cette analyse sommaire, que le sociologue étudie les règles du jeu politique, qu'elles soient fixées dans la Constitution ou qu'elles résultent des coutumes, sans mettre l'accent plus particulièrement sur les règles constitutionnelles plutôt que sur les règles non écrites qui commandent le comportement à l'intérieur des partis et entre les partis, cependant que le juriste fixe son attention sur ce que la Constitution prévoit et la manière dont la Constitution, au sens étroit, est appliquée. Ces deux réponses, qui consistent à délimiter la sociologie politique, d'une part par rapport à la philosophie, d'autre part par rapport au droit, ne sont pas des réponses fausses, mais elles sont des réponses superficielles. Et je voudrais, dans la suite de cette leçon, tâcher d'approfondir la spécificité de l'étude proprement sociologique. Et pour justifier la recherche d'une analyse plus profonde, je ferai immédiatement deux observations. En fait, les sociologies ne sont à peu près jamais neutres. Je veux dire par là que la plupart des sociologues, pratiquement, en fait, éliminent la légitimité de l'étude philosophique. Ils ne se contentent pas d'étudier comment fonctionnent les différents régimes politiques, mais ils présupposent que nous sommes incapables de déterminer quel est le régime le meilleur ou quel est le principe de légitimité valable. Autrement dit, les sociologies sont à peu près toujours liées à une certaine philosophie, qui est une philosophie soit du dogmatisme sociologique, soit du relativisme historique. Deuxième remarque, il n'y a pas d'exemple qu'une philosophie de la politique ne comporte des éléments d'étude de fait. Tous les grands philosophes de la politique ont fondé leur détermination du meilleur sur une analyse soit de la nature humaine, soit du mode de fonctionnement des différents régimes qu'ils avaient sous les yeux. Et il reste donc à savoir en quoi l'étude de fait telle qu'elle est pratiquée par les philosophes diffère de l'étude de fait telle qu'elle est pratiquée par le sociologue, à supposer qu'il y ait une différence entre les deux. Ou encore, nous allons chercher s'il y a possibilité d'avoir une étude sociologique des régimes politiques qui ne présuppose pas une philosophie déterminée. Repartons de l'auteur et du texte qui, dans l'histoire de la pensée occidentale, a joué le rôle le plus solennel et le plus constant, à savoir, repartons de la politique d'Aristote. Puisqu'après tout, la politique d'Aristote a été pendant des siècles, simultanément, la philosophie politique et la sociologie politique. Effectivement, si par hasard vous avez lu la politique d'Aristote, vous savez que ce livre vénérable et encore aujourd'hui digne d'une étude approfondie ne comporte pas simplement des jugements de valeur, mais il comporte une étude extrêmement poussée des faits. Aristote avait fait une collection des différentes constitutions des cités athéniennes et il avait essayé de décrire les différentes constitutions, non pas au sens moderne du mot constitution, texte écrit, mais au sens moderne du mot régime, c'est-à-dire qu'il avait essayé de décrire et d'analyser la manière dont fonctionnaient les régimes politiques des différentes cités grecques. C'est à partir de cette étude comparative qu'il avait établi sa classification célèbre des trois régimes fondamentaux. Le régime monarchique, où le pouvoir souverain appartient à un seul, le régime aristocratique, où le pouvoir souverain appartient à plusieurs, le régime démocratique, où le pouvoir souverain appartient à tous, tout au moins tous les citoyens. À cette classification fondamentale des régimes politiques, il ajoutait une antithèse des formes saines et des formes corrompues de chaque sorte de régime politique. Et enfin, il essayait de déterminer comment se développaient et se composaient des régimes mixtes. Une analyse de cet ordre est proprement aujourd'hui ce que nous appelons une analyse sociologique. Et il y a en particulier un chapitre d'Aristote qui est encore aujourd'hui un modèle d'analyse sociologique, c'est l'analyse des révolutions. Rien n'intéressait plus Aristote que les deux questions: comment un régime se maintient-il? Comment un régime se transforme-t-il? Où est-il renversé? Aristote considérait qu'il appartenait à celui qui étudie la politique de donner des conseils aux hommes d'État. Et il donnait aux gouvernants de chaque sorte des régimes des conseils sur la meilleure manière de conserver le régime existant. Si vous vous reportez au court chapitre où Aristote donne des conseils aux tyrans sur la manière de maintenir la tyrannie, vous y trouvez l'anticipation très précise d'un ouvrage fort célèbre également qui s'appelle « Le prince de Machiavel », qui dans une très large mesure est le développement du chapitre où Aristote exposait comment un certain régime tyrannique étant donné, c'est-à-dire d'après lui un régime mauvais, les moyens nécessaires pour le maintenir étaient tels ou tels, c'est-à-dire très souvent contraires aux règles morales. Cela dit, il n'en reste pas moins que la politique d'Aristote n'est pas simplement une sociologie, elle est une philosophie. Et elle est une philosophie parce que l'étude des différents régimes, de leur fonctionnement, des manières de les maintenir et de la façon dont ils sont renversés, est orientée vers une question fondamentale, qui, elle, est une question philosophique, qui est: quel est le régime le meilleur? Or, la recherche du régime politique le meilleur est essentiellement philosophique, puisqu'elle revient à écarter à l'avance l'argumentation selon laquelle les différents régimes de fait seraient équivalents ou indiscernables, selon lesquels il ne peut pas y avoir de définition du meilleur régime. Il y avait, d'après Aristote, une recherche légitime du régime le meilleur, parce qu'il y avait, d'après lui, une détermination légitime de la finalité de la nature humaine. Ce qu'il appelait nature n'était pas simplement la manière dont les hommes se conduisaient individuellement ou collectivement, mais c'était aussi ce à quoi les hommes sont destinés. Dès lors qu'il y a une conception finaliste de la nature humaine, ou comme nous disons, de la vocation humaine, il y a légitimité de poser la question du régime le meilleur. Enfin, et c'est là la troisième proposition qui fonde le caractère philosophique de la politique d'Aristote, implicitement, ou tout au moins d'après l'interprétation qui a été couramment donnée de la politique d'Aristote, la distinction des trois régimes fondamentaux est posée comme ayant une valeur suprahistorique, ou s'appliquant à l'ensemble des régimes existants. La distinction des trois sortes de régimes ne vaudrait pas seulement pour les cités grecques dans un cadre social donné, mais la classification serait valable universellement, ce qui suppose que la question clé de toute classification des régimes politiques est la question de savoir qui gouverne ou qui possède le pouvoir souverain, ou encore la question clé qui déterminerait la classification des régimes politiques est de savoir si le pouvoir souverain est entre les mains d'un seul, de plusieurs ou de tous. Or, ces trois principes philosophiques de la politique d'Aristote ont été, au cours de l'évolution, successivement battus en brèche, et il n'en reste rien aujourd'hui, au moment où nous autres, sociologues ou philosophes, nous reposons la question des régimes politiques. Prenons d'abord la troisième proposition, à savoir la valeur universelle, ou pour ainsi dire suprahistorique, de la classification des régimes politiques en fonction du nombre des détenteurs du pouvoir souverain. La question classique étant admise, qui commande, on posait qu'il y avait trois réponses et trois seulement. Je pense que c'est dans l'esprit des lois que l'on trouve de la manière la plus claire l'abandon de la validité universelle de cette classification des régimes politiques en fonction des trois hypothèses, un, plusieurs, tous. Montesquieu, effectivement, propose lui aussi une classification des régimes politiques. Et il propose une classification des régimes politiques en trois: république, monarchie et despotisme. Mais immédiatement, il s'y ajoute quelque chose qui différencie fondamentalement la classification de Montesquieu de celle d'Aristote, c'est que chacun de ces types de régimes apparaît, d'après Montesquieu, dans un type social différent. Entendons-nous bien, Montesquieu conserve l'idée d'Aristote que la classification des régimes dépend de la question de savoir qui détient le pouvoir souverain. La République est définie comme le régime dans lequel c'est le peuple encore ou une partie du peuple qui détient le pouvoir souverain. D'autre part, la monarchie est définie comme le régime où un seul gouverne, mais d'après des lois fixes et établies. Et enfin, le despotisme est défini comme le régime où un seul gouverne, mais sans loi et sans règles, et de manière arbitraire. Il en résulte donc immédiatement que les trois réponses de Montesquieu, ou les trois sortes de gouvernement définis par les détenteurs du pouvoir souverain, ne sont pas définis exclusivement par le nombre des détenteurs, car entre la monarchie et le despotisme, il n'y a pas de différence, en ce qui concerne les détenteurs du pouvoir souverain. Il y a souveraineté dans les mains d'un seul, aussi bien dans une monarchie que dans un despotisme. Donc la classification suppose un deuxième critère. Au critère de qui possède le pouvoir souverain, combien de personnes possèdent le pouvoir souverain, s'ajoute un deuxième critère qui est, est-ce que l'exercice de ce pouvoir souverain s'effectue conformément à des lois fixes et établies, ou bien est-ce que l'exercice du pouvoir souverain s'effectue sans règles et sans lois? Et selon que le pouvoir souverain d'un seul est conforme à une légalité ou étranger à toute légalité, le principe du régime est soit l'honneur, soit la peur. Mais il y a quelque chose de plus. Montesquieu dit explicitement qu'il a pris pour modèle de la République les cités antiques, pour modèle de la monarchie, les monarchies modernes de l'Europe, pour modèle du despotisme, les régimes asiatiques. Et il ajoute, chacun de ces types de régimes apparaît dans des conditions économiques, sociales et, comme nous dirions aujourd'hui, démographiques déterminées. Pour lui, la République n'est réellement possible que dans de petites cités. La monarchie, fondée sur l'honneur, est le régime caractéristique des États de moyenne dimension. Et quand les États deviennent trop grands, le despotisme est presque inévitable. Il en résulte donc que la classification des formes de régime, d'après Montesquieu, comporte une double opposition. Il y a d'une part l'opposition entre les régimes modérés et les régimes non modérés, ou encore l'opposition entre les régimes où la légalité s'exerce et les régimes d'arbitraire. Dans cette opposition, il y a d'un côté république et monarchie, et de l'autre côté despotisme. Mais il y a une autre opposition, ou plus exactement, une dialectique des régimes dans l'esprit des lois, dialectique qui est à peu près les suivantes. L'essence d'un régime républicain, d'après Montesquieu, c'est la vertu qui est fondée sur l'égalité. Nous avons donc une première sorte de régime, qui peut être démocratie ou aristocratie, qui est celui où le peuple encore possède le pouvoir souverain et où l'essence de ce régime est l'égalité entre les citoyens. Puis nous avons un régime qui est le régime monarchique, qui est la négation de l'égalité républicaine. Effectivement, la monarchie, d'après Montesquieu, est fondée sur l'inégalité des ordres et des personnes. Et c'est dans la mesure où chacun est attaché à son ordre et à ce qu'exige de lui l'honneur de cet ordre, que la monarchie est heureuse, stable et prospère. Donc, nous passons de l'égalité républicaine à l'inégalité monarchique ou à l'inégalité des aristocraties intégrées dans les monarchies européennes. Quant au despotisme, d'une certaine façon, il nous ramène à l'égalité. Effectivement, d'après Montesquieu, dans un régime despotique, un seul gouverne, et comme il possède un pouvoir absolu, qui n'est soumis à aucune règle, tous les autres en dehors de lui sont soumis à la peur. Tous ont peur, et du même coup tous, du haut en bas de l'échelle, sont ramenés à l'égalité. Mais au lieu que ce soit l'égalité des citoyens dans la liberté, c'est l'égalité des sujets dans la peur. Il ne serait pas très difficile de chercher des exemples dans l'histoire contemporaine pour montrer cette égalité dans la peur qui existe à l'intérieur des régimes despotiques. Pour être sûr de prendre un exemple qui ne choque personne, disons que dans les derniers mois du régime hitlérien, personne n'était protégé par le fait d'être aussi près que possible du numéro 1. On pourrait même dire que le danger augmentait avec l'échelon de la hiérarchie qu'occupait chacun. Eh bien, cette égalité de tous les sujets dans la peur, c'est exactement ce que Montesquieu voulait décrire. Vous voyez qu'une classification des régimes politiques de cette sorte conserve la moitié de la conception d'Aristote. C'est-à-dire que l'on conserve l'idée que la question clé qui déterminera la classification des régimes est de savoir qui gouverne, combien d'hommes détiennent le pouvoir souverain. Mais cette question n'est plus la question unique, puisqu'on ajoute, pour employer le langage sociologique, la deuxième variable, qui est le mode d'exercice de l'autorité conforme à des lois ou arbitraires. Et puis surtout, on découvre que le mode de gouvernement ne peut pas être projeté, abstraction faite de la différence des organisations économiques et sociales. Autrement dit, on continue à considérer que la classification des régimes politiques fournit en même temps la classification des sociétés, mais on constate qu'un certain mode de gouvernement est lié à une certaine organisation économique et sociale et ne peut pas être utilisé, abstraction faite, de la distinction des organisations économiques et sociales. De l'exemple de Montesquieu, nous tirons au moins, sinon une conclusion, au moins une question, qui est, si nous tentons d'établir une classification des régimes politiques, nous aurons à nous demander si nous donnons à cette classification simplement une valeur par rapport à une certaine organisation économique et sociale fondamentale, ou si nous prétendons établir une classification des régimes valable pour toutes les époques. En fait, je suivrai ici la méthode la plus prudente, c'est-à-dire je me bornerai au point de départ à esquisser une classification des régimes politiques dont je restreindrai explicitement la validité aux régimes politiques des sociétés industrielles modernes. Montesquieu ne se demande pas, au moins explicitement, quel est le régime le meilleur. Et nous allons voir tout de suite pourquoi il ne pose pas la question du régime le meilleur à la manière dont Aristote pouvait la poser. Effectivement, il a trouvé deux sortes de régimes modérés, la République et la monarchie. Il a établi que le principe, c'est-à-dire le sentiment qui maintient et fait vivre le régime politique considéré, le principe est dans un cas la vertu, qui est essentiellement le sens de l'égalité et de l'obéissance aux lois, et dans l'autre cas l'honneur, c'est-à-dire le respect de la part de chacun pour ce qu'exige de lui la place qu'il occupe dans la société. Nous avons donc immédiatement deux principes de fonctionnement de deux régimes politiques sans que, au premier abord, nous puissions dire que l'un vaut mieux que l'autre. Car il y a des mérites dans l'honneur aristocratique et il y a des mérites dans l'égalité démocratique. Autrement dit, en termes plus généraux, à partir du moment où le régime politique est lié à l'organisation sociale, la diversité d'organisations sociales possibles et réelles semble décourager à l'avance la recherche du meilleur régime dans l'abstrait. Effectivement, en fonction de quoi affirmer de manière définitive que le régime fondé sur l'égalité démocratique est seul valable et que le régime fondé sur la hiérarchie aristocratique ou sur l'honneur ne l'est pas. La reconnaissance de la multiplicité des régimes sociaux ou de la multiplicité des principes semble écarter la recherche du régime le meilleur du simple fait qu'elle écarte la conception finaliste de la nature humaine qui est indispensable pour que la question du régime le meilleur prenne sa portée. Comment la question du régime le meilleur disparaît avec l'interprétation finaliste de la nature humaine, nous allons le voir en nous reportant très rapidement à un des autres grands auteurs de la tradition politique, à savoir Hobbes. Hobbes, lui, a une conception rigoureusement mécaniste de la nature humaine. L'homme est défini par le désir, la volonté de se maintenir dans l'être, et toute sa conduite est commandée par l'intérêt, ou si vous voulez, est commandée par l'idée qu'il se fait de son intérêt. Tout ce qui arrive dans la nature est soumis à un mécanisme intégral, et l'homme ne fait pas exception à ce mécanisme universel. Dans une conception pareille, il est à peu près impossible de se demander quel est le régime le meilleur, à moins que l'on commence à déterminer quel est le but prédominant que doit se proposer cette nature humaine soumise à un mécanisme strict. Dans la conception de Hobbes, il y a une espèce de but qui est posé pour l'homme. Ce but est très simple, extrêmement prosaïque, c'est de survivre. Les hommes étant essentiellement le jouet de leurs désirs ou de leurs passions, sont naturellement ennemis les uns des autres. Les hommes veulent survivre, or quand les hommes ne sont pas soumis à une loi, ils sont en conflit les uns avec les autres. D'où ce qui est le problème à peu près unique de Hobbes, comment établir un régime politique tel que la paix soit établie entre les hommes et que ceux-ci aient le plus de chances de survivre. Dans une conception de cet ordre, le problème de la pensée politique n'est pas quel est le régime le meilleur en fonction de la finalité de la nature humaine, mais la question est quelles sont les institutions les mieux adaptées à une nature humaine définie par le mécanisme le plus strict. Ou encore, à un niveau plus élevé, étant donné ce qu'est l'homme, ses désirs, ses passions, le mode de sa conduite, quel doit être le pouvoir de l'État si l'on veut que la paix règne et que les individus aient le maximum de chances de survivre. Dans une philosophie de cet ordre, le problème décisif devient au fond le problème de la souveraineté et de ce qu'il faut accorder au pouvoir pour que la paix règne. Dans la conception finaliste, le problème posé est de savoir ce qu'il faut accorder aux souverains pour que les hommes puissent vivre vertueusement. Dans une conception mécaniste de la nature humaine, telle que celle de Hobbes, le problème posé est le suivant: quel doit être le pouvoir du souverain pour que la paix règne et que les individus puissent atteindre leur fin. Ce problème, qu'est-ce qu'il faut accorder au souverain, quel est le principe de la souveraineté, devient le problème fondamental lorsque l'on part d'une philosophie mécaniste de la nature humaine et que l'on donne pour objectif aux hommes avant tout de survivre. Remarquez que le point de départ dans une conception mécaniste de la nature humaine n'implique pas rigoureusement que l'on aboutisse à l'insistance de Hobbes sur les pouvoirs presque illimités du souverain. Il y a en effet un autre philosophe d'une génération postérieure à Hobbes qui a eu le même point de départ et qui est arrivé à une conclusion différente. C'est Spinoza. Spinoza a exactement, dans sa politique, le même point de départ que Hobbes. C'est-à-dire, l'homme est entraîné par ses passions, l'homme est avant tout défini par la volonté de survivre, l'homme agit toujours en fonction de son intérêt, bien ou mal conçu, les hommes abandonnés à eux-mêmes sont ennemis les uns des autres parce qu'ils ne sont pas raisonnables et parce qu'ils veulent tous être les premiers ou parce qu'ils sont tous le jouet de leur passion. Donc il faut créer un pouvoir souverain qui imposera la paix entre les citoyens en dictant des lois. Mais alors que Hobbes a pour souci presque exclusif d'accorder au pouvoir souverain une autorité suffisante pour que la paix règne en tout état de cause, alors que Hobbes est obsédé par l'idée que s'il n'y a pas une autorité presque illimitée du pouvoir souverain, la guerre civile éclatera, Spinoza se pose une autre question qui est non pas seulement de donner une autorité suffisante au souverain pour que la paix règne, mais aussi de limiter le pouvoir du souverain pour que la paix des citoyens ne soit pas la paix de l'esclavage, mais la paix des hommes libres. Quelle que soit la conclusion à laquelle aboutissent les philosophes qui partent d'une conception mécaniste de la nature humaine, là, le problème traditionnel du régime le meilleur, tel qu'il était posé dans le cadre d'une philosophie finaliste, disparaît, et à la place interviennent les problèmes suivants, qui sont, premièrement, étant donné la manière dont les hommes se conduisent, étant donné la nature de l'homme définie par un mécanisme, quelles doivent être les institutions pour que la vie sociale soit possible? Deuxièmement, on détermine telle ou telle valeur, mettons le pouvoir du souverain afin de faire régner la paix, ou la limitation des pouvoirs du souverain afin que la liberté des individus soit garantie, et en fonction de la nature humaine, on essaye de définir les institutions qui donnent les meilleures chances d'atteindre les objectifs. À partir de ce moment-là, il n'y a pas nécessairement un régime le meilleur, mais comme il y a pluralité de valeurs ou pluralité d'objectifs, il y a des régimes plus ou moins méritoires qui donnent une chance plus ou moins grande d'atteindre l'un ou l'autre des objectifs fixés par les philosophes. Une dernière phase, et une phase ultime de la dissolution de la philosophie politique traditionnelle, est marquée par ce que l'on appelle indifféremment les philosophies de l'histoire ou les sociologies. En effet, les philosophies de l'histoire ou sociologie, du type de Marx ou du type d'Auguste Comte, ont en commun la subordination du problème du régime politique au problème économico-social. La sociologie, peut-on dire, s'est fondée au XIXe siècle en renversant la tradition du primat du régime politique sur l'organisation économique et sociale. Marx était parfaitement conscient de ce renversement et de la portée de ce renversement. Pour lui, la question fondamentale était quelle est l'organisation de la production? Quelles sont les relations entre les classes? La question du régime politique ou de savoir qui gouverne était au fond tranchée par l'analyse de la substructure économique ou de l'infrastructure sociale. Cette conception qui subordonne les régimes politiques aux organisations économiques et sociales est perpétuellement menacée par l'oscillation entre ce que j'appellerais le relativisme intégral ou le dogmatisme justifiant le fanatisme. Et la preuve de cette oscillation fondamentale, on la trouve dans l'emploi du mot historisme ou historicisme. Les deux mots sont employés dans des sens quelquefois différents, tantôt semblables. Ils sont employés aussi bien en allemand qu'en anglais qu'en français, et ils désignent selon les cas deux doctrines en apparence antithétiques. Quand M. Popper, qui est professeur à la London School of Economics, a écrit son livre qui s'appelle « Misère de l'historicisme », il désignait par historicisme une interprétation de l'histoire selon laquelle on pourrait prévoir avec certitude le régime de l'avenir et où, peut-être en plus, on pouvait être assuré que ce régime inévitable de l'avenir représenterait une espèce de fin de l'histoire. Mais, quelquefois, on appelle historisme la conception apparemment opposée à celle-ci, celle selon laquelle il y aurait à travers le temps un grand nombre de régimes économiques, sociaux et politiques indiscernables en valeur, chacun ayant sa justification. Par exemple, le livre du professeur Meinecke, qui a disparu il y a peu de temps, le livre s'appelle « Die Entstehung des Historismus »,« L'origine de l'historisme », signifie exactement l'inverse de l'historicisme visé par Popper, puisque dans la conception de Meinecke, la conception historiste se définit par la reconnaissance de la pluralité des régimes économiques, politiques et sociaux et l'égale validité ou l'égale valeur de ces différents régimes. Selon le mot fameux d'un historien allemand, chaque époque est immédiatement à Dieu. La combinaison entre ces deux thèmes apparemment opposés est d'ailleurs extrêmement facile. Si nous prenons effectivement la conception de Marx, on voit très bien comment on passe d'une conception du relativisme intégral à une conception d'un dogmatisme historique. Prenons l'interprétation la plus banale que chacun tire ou croit tirer du marxisme à propos des régimes politiques. On nous dit « Toute société, jusqu'à présent, a été caractérisée par la lutte de classe. Dans toutes les sociétés, il y a eu une classe dominante et une classe dominée, une classe qui exploitait et une classe qui était exploitée. Dans toutes les sociétés, l'État était simplement l'instrument à l'aide duquel la classe qui exploitait maintenait sa domination sur la classe exploitée. L'État n'est donc rien de plus que l'organe, l'instrument d'exécution de l'exploitation d'une classe par une autre. Si vous ajoutez que toutes les sociétés rentrent dans ce schéma, vous êtes dans le relativisme intégral, car il n'y a aucune raison de préférer un régime à un autre, puisque tous les régimes sont simplement définis par l'exploitation d'une classe par une autre. Mais si vous ajoutez qu'à partir d'une certaine date, plus ou moins prévisible, ou dans un certain régime économique et social, plus ou moins prévisible, l'opposition entre la classe d'exploitation et la classe exploitée va disparaître, qu'il n'y aura plus de classe rivale et qu'il y aura homogénéité sociale et disparition des classes, du coup, vous avez un régime absolument valable, et si vous y ajoutez une certaine conception de l'histoire, vous annoncez l'avènement inévitable du régime où l'opposition des classes sociales disparaîtra et où, par conséquent, le régime politique aura une valeur absolue. Vous voyez donc qu'il suffit de dire que tous les régimes moins un rentrent dans une conception pessimiste de l'organisation sociale pour être à la limite du relativisme et tout de même avoir le dogmatisme. Mais ce dogmatisme est très facile à écarter, et on l'a écarté sans aucune difficulté. Il suffit de dire que le régime dit socialiste présente les mêmes caractéristiques que les régimes précédents. Il suffit de dire que dans le régime socialiste, il y aura aussi une classe d'exploitation et une classe exploitée, que l'État sera aussi l'instrument à l'aide duquel la classe dominante maintiendra sa domination sur les classes exploitées, et on sort du dogmatisme pour entrer dans le relativisme. Le dialogue que je suis en train de reconstituer n'est pas un dialogue fictif, c'est, pourrait-on dire, la réponse de Pareto, le sociologue italien, à Marx. Car Pareto s'est contenté de dire Marx a eu absolument raison, avec juste une réserve. Sa lucidité était absolue sur tous les régimes du passé et du présent, mais il avait des illusions sur le régime de l'avenir. Il se figurait que la lutte des classes et l'exploitation des classes les unes par les autres, qu'il observait avec tant de perspicacité à travers la succession des régimes et des époques, cette lutte de classes, au lieu de disparaître à une phase donnée de l'évolution, continuera aussi loin que l'on puisse prévoir à l'avance. Et Pareto réintroduisait cette exploitation dans les régimes de l'avenir de la manière la plus simple. Marx faisait disparaître l'exploitation et du même coup l'État en posant en principe que l'État n'existe que pour maintenir la domination d'une classe sur une autre. Pareto s'est borné à répondre en reprenant la tradition politique du passé. Il a simplement dit « Marx se trompe ». Le problème fondamental n'est pas de savoir comment sont répartis les biens entre les différents membres de la collectivité, car cette répartition est à peu près la même dans toutes les sociétés connues. La véritable question, le vrai problème, c'est de savoir qui gouverne. Or, la question de savoir qui gouverne se posera dans l'avenir comme dans le passé et dans le présent, et Pareto introduisait une classification extrêmement simple des régimes politiques, qui n'était pas une classification en trois selon le nombre des détenteurs de l'autorité, mais qui était une classification selon le caractère psychosocial des détenteurs du pouvoir et selon le mode d'exercice du pouvoir. Il disait « il y a les hommes qui gouvernent et qui ressemblent surtout à des lions. Ce sont ceux qui emploient de préférence les moyens de force pour contraindre les gouvernés. Et puis, disait-il, il y a ceux qui ressemblent surtout à des renards et qui emploient surtout les moyens de ruse, c'est-à-dire de paroles et des spéculations, pour gouverner leurs contemporains. Il va de soi que cette opposition des lions et des renards comporte tout un passé. Elle est tirée de Machiavel. Pareto, d'ailleurs, ne cesse de se recommander de Machiavel. Et dans une classification de cet ordre, il y a bien des régimes différents, différents par le caractère des hommes qui exercent le pouvoir, différents par la nature des moyens employés de préférence par les uns et par les autres. Mais tous ces régimes ont en commun certains traits qui finalement les rendent à peu près indiscernables ou qui tout au moins enlèvent toute espèce de sens à la question du meilleur régime concevable. Effectivement, tous ces régimes, dans une conception comme celle de Pareto, sont essentiellement définis par la lutte pour le pouvoir et par le fait qu'un petit nombre d'hommes dans tous les régimes exercent le pouvoir. Là, la conception de la politique est très simple. Qu'est-ce que c'est que la politique ? C'est la lutte pour le pouvoir et les avantages que donne le pouvoir. Cette lutte est permanente. Pareto aurait dit volontiers, à la manière de Hobbes et de Spinoza, cette lutte est permanente parce que les hommes sont ainsi faits qu'ils veulent tous être les premiers, et qu'il n'est pas possible que tous soient les premiers à la fois. Ou encore, il aurait dit, les hommes veulent s'assurer les bénéfices qui vont avec l'autorité, or il est impossible qu'ils possèdent tous l'autorité et les avantages que celle-ci assure. Tout le reste, les idées, les philosophies, ne sont que des systèmes de justification, au fond interchangeables. À ce moment-là, la politique, de fait, se réduit à une bataille entre des hommes pour le pouvoir et le profit, et la science de la politique devient, selon les expressions d'un sociologue américain, qui reçoit quoi, quand, comment. En anglais, who gets what, how, when. Qui reçoit quoi, quand, comment. À ce moment-là, nous arrivons à ce que l'on appelle aujourd'hui la philosophie machiavélienne, et qui est évidemment la dernière étape de la dissolution de la philosophie finaliste de la politique ou de la conception morale de la politique. Dans une conception de cet ordre, il reste bien des idées et des justifications, mais elles ne sont en rien qu'un instrument de la lutte. Le mérite d'une formule politique ne tient pas à sa valeur morale ou philosophique, mais simplement à son efficacité. Toutes les idées ne sont que des armes ou des moyens de combat employés par des hommes qui sont, par définition, engagés dans la lutte. Et quand on est engagé dans la lutte, on ne peut pas avoir d'autre fin que de remporter la victoire. À ce moment-là, nous avons une conception de la politique qui semble pouvoir servir de base à une sociologie admirablement objective de la politique, puisque nous avons commencé par en éliminer toutes les idées morales, toutes les références à ce qui pourrait valoir universellement, toute référence à une finalité de la nature humaine. L'ennui, c'est que cette sociologie dite objective implique une philosophie qui est tout aussi discutable que la philosophie, la conception finaliste de la nature humaine dont nous sommes partis. Effectivement, ce qui est la naïveté de cette philosophie cynique de la politique, c'est que sous couleur d'échapper à toute philosophie, elle pose une certaine philosophie. Elle pose une philosophie du non-sens au lieu de poser une philosophie du sens. Elle pose comme philosophie que l'essence de la politique, c'est la lutte, et non pas la recherche d'une autorité justifiée. Mais nier le sens n'est pas plus non-philosophique que l'affirmer. Dire que l'existence humaine est absurde n'est pas plus non-philosophique qu'affirmer que l'existence humaine a une signification. Dès lors, et ce sera là-dessus que je vous apporterai quelques conclusions provisoires, la sociologie politique telle que je voudrais la pratiquer ne sera pas liée ni à la conception finaliste de la nature humaine qui présuppose que l'on puisse déterminer le régime le meilleur en fonction de la vocation immanente à l'homme, mais elle ne sera pas liée non plus à la philosophie machiavélienne ou historiciste. J'entends par là que le machiavélisme qui pose que l'essence de la politique se réduit à une lutte pour le pouvoir est une philosophie partielle qui, d'une certaine manière, se contredit elle-même, car si on admet intégralement une conception de cet ordre, on se demande même comment on peut la justifier, comment on peut la fonder, comme dans toutes les philosophies du scepticisme intégral. Deuxièmement, la conception sociologique que j'essayerai de développer ici n'est liée ni au relativisme intégral qui poserait en principe que les régimes économiques et sociaux ou politiques sont interchangeables, équivalents, et que des jugements de valeur sont impossibles, ni encore moins liés à une philosophie dogmatique qui prétendrait déterminer avec certitude soit le régime inévitable de l'avenir, soit le régime qui, en tant que tel, mettrait fin à l'existence du problème politique. Quelle est donc la méthode que je suivrai ici? Eh bien, en résumé, voici les quelques présupposés de la méthode que j'adopterai. Premièrement, j'essaierai de définir les régimes politiques caractéristiques que nous pouvons observer dans les sociétés industrielles modernes, sans affirmer que la classification des régimes politiques des sociétés industrielles a une valeur pour les sociétés de type fondamentalement différent. Autrement dit, au moins au point de départ et par prudence, la classification que j'esquisserai aura une validité limitée au type de société que j'ai défini dans les cours des années précédentes et que j'ai appelé société industrielle. Je n'exclus nullement que l'on puisse retrouver des classifications à valeur universelle. Très certainement, il y a des concepts sociologiques qui peuvent s'appliquer à des régimes politiques qui sont les superstructures de sociétés extrêmement diverses. Mais au moins au point de départ, mes ambitions seront limitées à une classification des régimes politiques des sociétés industrielles. Deuxièmement, le problème politique ne me paraît pas pouvoir, en l'état actuel de la réflexion, être défini par une question unique. Ce qui est la donnée de fait de la réflexion politique aujourd'hui, c'est que nous visons des objectifs divers, nous avons des valeurs qui ne sont pas nécessairement contradictoires, mais qui ne sont pas nécessairement accordées. Par exemple, nous sommes soucieux d'établir ce qu'est un régime légitime, c'est-à-dire conforme à l'idée que nous nous faisons de ce que doit être l'autorité. Mais simultanément, nous nous demandons quelles sont les organisations des pouvoirs publics qui sont efficaces. Il ne me paraît pas démontré à l'avance, et il ne me paraîtra pas non plus démontré après étude, que les différents régimes soient simultanément les meilleurs à tous les points de vue. La prudence de méthode, ou la règle sociologique, me paraît être un régime politique pouvant être mesuré à des critères divers, un régime politique pouvant se réclamer de valeurs diverses, il se peut qu'un certain régime soit préférable au regard d'une des valeurs et inférieur au regard d'une autre. Ce qui est la donnée première, ce n'est pas que tous les régimes sont indifférents ou impossibles à comparer, mais c'est que nous avons des systèmes de référence multiples et que rien ne prouve que nous puissions arriver à une conclusion univoque quand nous comparons les régimes. Troisièmement, le sociologue ne me paraît condamné à tomber ni dans le cynisme, ni dans le dogmatisme. Le sociologue ne tombe pas nécessairement dans le cynisme parce que les idées politiques ou morales auxquelles il peut se référer pour juger de la valeur des régimes politiques font partie de la réalité elle-même. La grande illusion de la conception cynique ou machiavélienne de la politique, c'est de voir un aspect de la réalité qui est la lutte pour le pouvoir, et de ne pas voir un autre aspect de cette réalité qui est la recherche soit du pouvoir légitime, soit de l'autorité la mieux organisée, soit du régime le meilleur. Or, il fait partie de la réalité humaine et sociale que nous observons que les hommes ne soient pas cyniques. Autrement dit, les hommes n'ont jamais pensé la politique comme étant exclusivement la lutte pour le pouvoir. Celui qui ne voit pas l'aspect lutte pour le pouvoir est un naïf ou un idéaliste. Celui qui ne voit que l'aspect lutte pour le pouvoir est un faux réaliste, parce que la réalité que nous étudions est une réalité humaine et fait partie de cette réalité humaine les questions posées soit sur la légitimité de l'autorité, soit sur l'organisation politique conforme aux idées morales que nous nous faisons. Cela dit, il ne résulte pas de ce refus du cynisme machiavélien que nous soyons en mesure de déterminer, une fois pour toutes, quel est le régime le meilleur. Il se peut que la question n'ait même pas de sens. Tout ce qui est nécessaire pour la sociologie politique telle que je tâcherai de la pratiquer, c'est que la pluralité des régimes des valeurs et des organisations politiques ne soit pas incohérente. Or, que faut-il pour que cette pluralité ne soit pas incohérente ? Eh bien, pour le dire d'un mot, il suffit que les différentes organisations politiques apparaissent comme la réponse à un problème constant. Or, le problème constant de l'ordre politique ne me paraît pas tellement difficile à définir. Au bout du compte, le problème qu'on s'est toujours posé sous le nom de problème politique, c'est celui de justifier simultanément l'autorité et l'obéissance. Justifier l'obéissance est en somme assez facile. Hobbes a justifié admirablement l'obéissance en mettant l'accent sur le côté sombre de la nature humaine. Justifier l'autorité va aussi facilement, puisque en justifiant l'obéissance du citoyen, on justifie du même coup l'autorité des gouvernants, mais il y a aussi quelque chose d'autre. On veut justifier les limites de l'autorité et par conséquent aussi justifier le refus d'obéissance. Est-il possible de justifier simultanément l'obéissance et le refus de l'obéissance, de justifier l'autorité et les limites de l'autorité? C'est au fond le problème éternel de l'ordre politique dont tous les régimes tels qu'ils sont des solutions évidemment toujours imparfaites. Vous venez d'entendre le deuxième cours de Monsieur le professeur Aron, Théorie sociologique des démocraties, aspect politique des sociétés modernes. Radiodiffusion Télévision Française, longueur d'onde 312 mètres, Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Ce programme a été diffusé la première fois le 23 décembre 1957 sur Radio Sorbonne. À suivre, téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.